Hein? Meilleur de la sélection. Le pied sous sélecteur. À mon temps, je bosse électro. Tu nous connais, c'est le secteur. La faute partie, mais on dit tous les jours. Je m'en prends du bizarre, la fumée sous les joues. Dans le quartier, y'a la police, mais t'inquiète, c'est léger. Qu'est-ce qu'il veut te dire, ça c'est comme ça dans tous les sous. La police en détente sur un scooter à monter. Des fans m'arrêtent, me disent, dis-moi comment tu remontes mon temps. C'est quoi, c'est plus la bumme, c'est un ton gris montagne. Et si on se m'en peut, je suis dans l'argent pour gros montant. Ah, quand j'écris des textes, tout à coup, c'est trop débat. J'ai plus des yeux fermés. Ils veulent me tester, gros débile. Et je me dis à l'autre, sinon tu m'en as trop d'écart. Mais en voit la preuve pour mon poteau, c'est trop d'équerre. J'arrive sur le poteau, ils se voient, y'a des gros écarts. Ils savent que je vais les péter, mais ils sont trop déter. C'est devant le canon, tu brûles la porte, qu'un grand épargne. La police s'est lavée, contre la sèche, j'ai trop de pierres. J'entame la bouteille parce que le flash, il comptait pas. J'en ai fait du mal à ce qu'il meurt, à ça côté bon. Tant que côté bas, c'est dans les portes, le côté bas. On me dit qu'il mal t'a vu. Prestation hallucinante. Pourtant, je suis un loup savant. On râle, sinon. La qui faut que tu trottines. Et mon côté fuyant, sur moi quel bouquineur. J'y retaille de ruinard. Chérie, j'ai pas besoin de toi. J'me demande si mes amis sont sous mes 4-5 doigts. 4 ans de 4-5 bois. Dans la même journée, ils descendent 4-5 fois. Et moi, j'me barre de ses rues. Dans le boîtier, la barre de ses rues. Ils veulent tous me bloquer, c'est rare. Mais y'a rien pour retirer. Et qui forme cette routine. Et mon côté fuyant, sur moi quel bouquineur. J'y retaille de ruinard. Et qui forme cette routine. Et mon côté fuyant, sur moi quel bouquineur. Sirotec de ruineur. Sirotec de ruineur. Sirotec de ruineur. Sirotec de ruineur. Waouh, waouh, waouh, waouh, ouais. Sirotec de ruineur. Bande de taille. Vous faites mal. Bande de manches pierres, gardez-en une pour une maille. Ha ha ha ha.